Double X on the track, bitch. J'suis dans le salon avec Os, on cherche un truc à faire. Lui il aime plus la beuh, et moi j'aime pas la bière. D'habitude y'a toute l'équipe, y'a encore des traces par terre. Soit on écrit un hit, soit on fait un skatepark sa mère. Bon ok on tient un truc, même si j'suis au fond du trou. On les baisse tous les jours, et ça me donne même plus la trique. J'reste avec ma team, et ça n'a pas de prix. Quand même j'vais pas tarder, les gars j'ai plus de batterie. J'fume la drogue des Rasta, j'prends la drogue des rockstars. Dites-les que je pense à elle quand on me parle de cauchemar. Triste constat, demain je me lève tôt. Je sais pas pourquoi, mais je trouverai bien une cause. On fait semblant que ça va aller, même si l'amende est salée. Un jour on pourra la régler, en plus du métro qu'on va racheter. Tous mes frérots tous les jours, tous les jours, toute l'année. Moi si seulement tu savais, quand les fleurs sont fanées, elles repoussent sous les pavés. Il est 6h et les oiseaux chantent. C'est mignon mais je voudrais bien dormir seul dans ma chambre. Quand je repense à elle et j'imagine. Un yacht, une yourte ou un yogourt. J'prends les trois, la vie elle est trop courte. J'pourrais bien te faire entrer dans mon cocon, mais tu l'abîmerais avec tes faux ongles. J'peux plus rien faire pour toi, tu t'es fait bâcher par le physio. Sur l'étoffe, j'coupe ta tête avec un ciseau. Si tu veux rentrer chez moi, faudra un visa. Merde, quand j't'ai dit ça, j'avais trop teasé. Ouais, j'pourrais le faire, mais ça peut attendre demain. Tout on le sait, et on cache nos sentiments. Pourtant, j'pourrais le faire, mais ça peut attendre demain. Tout on le sait, et on cache nos sentiments. Les ciseaux et les oiseaux chantent. C'est mignon mais je voudrais bien dormir seul dans ma chambre. Quand je repense à elle et